La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous invite dans la discothèque du pianiste Julien Blanc. Bonjour, grand plaisir et grand honneur d'être ici pour partager avec vous voilà, des souvenirs musicaux, des souvenirs de parcours et puis une discographie, si ce n'est exhaustive, au moins amoureuse et passionnée de 15 ans de souvenirs musicaux, à peu près. Quel merveilleux souvenir voilà, de réentendre tout ça, expérience assez proustienne parce que ça fait revenir de nombreuses sensations, voilà, c'est un moment tout à fait particulier. Alors ce concerto, ce disque surtout, Sviatoslav Richter, Tchaïkovski, Rachmaninov, c'est vraiment le premier grand choc, je dirais musical, et pianistique, ou pianistique et musical, je ne sais pas dans quel ordre c'est le plus judicieux, ou le plus vrai en tout cas. Mais c'est la rencontre avec la magnificence du piano romantique et la magnificence de l'interprète qui va jouer ça, à mon avis, au sommet de ce qu'il est possible de faire. Il y a des gens qui accrochent moins avec Richter, en tout cas de qui ce n'est pas un pianiste... si ce n'est avec lequel on a une affinité la plus grande. Mais bon, moi, c'est vraiment tout le contraire. Je pense que c'est mon pianiste préféré ou l'un de mes pianistes tout préférés, parce que dès qu'il touche trois notes sur l'instrument, on sent que ça représente tout pour lui. Il y aura d'autres cas comme ça dans ma discographie. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et puis, bon, le legato, absolument remarquable. Il y a dans le premier mouvement des choses de couleur pianistique vraiment, vraiment exceptionnelles. Et donc ça, je me souviens d'un voyage en voiture où j'avais un lecteur de disques, donc ça a complètement disparu maintenant. Sorte de Walkman, en fait, je pense que c'est ça le terme. Et c'était un long trajet en voiture pour partir en vacances, vraisemblablement. Et donc, à l'arrière, je pense que je l'ai écouté, je sais pas, 15 fois de suite le CD. Et sans me lasser, sans avoir l'impression de réentendre une seule fois la même chose. Et ça, c'était vraiment, vraiment un choc. Voilà, donc c'est très agréable de le réentendre. Alors après, c'est très amusant parce que les choses peuvent quand même s'épuiser. Puis c'est un CD que j'ai réécouter ou beaucoup moins réécouter ces derniers temps. Ça, c'est voilà les parcours. Je vais certainement y revenir plus tard ou prochainement. Et puis nous allons continuer avec une fugue de Bach. Voilà, assez classique aussi. Enfin, on fait un bond en arrière, mais c'est aussi un interprète extraordinaire et charismatique, bien sûr, dont je laisse le nom deviner aux auditeurs. Et puis j'en dirai deux mots après. Après Tchaïkovski, le sommet de la musique romantique, enfin un des sommets bien sûr, Jean-Sébastien Bach, et puis le toucher incomparable de Glenn Gould. Ça aussi c'est une rencontre musicale discographique assez ancienne, qui m'a fait une impression aussi, je dirais, inaltérable ou ineffaçable. Et puis ça me permet aussi de dire un mot du contrepoint, voilà, parce que nous avons écouté une musique avant mélodique et harmonique, mais où la cohabitation des lignes mélodiques n'est pas la priorité. C'est, voilà, c'est tout à fait un autre type d'écriture. Et évidemment, une fugue de Bach, c'est quand même un des sommets. Il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres par le passé, mais quand même certainement le compositeur qui a manié ce type d'écriture avec le plus de virtuosité intellectuelle. Enfin, c'est complètement éblouissant, en fait, d'art combinatoire, et j'y suis assez sensible aussi, j'ai un goût particulier pour les mathématiques, les formes, les géométries, ça. Je trouve ça passionnant, et donc là, bah, évidemment, je suis tout à fait comblé par ce type de musique. Alors voilà, la fugue avec l'entrée des voix successives, et donc voilà, ce qu'on appelle le contrepoint. Et Glenn Gould traite ça d'une façon extraordinaire, puisque dans cette fugue, il ne fait quasiment pas de plan sonore. C'est-à-dire qu'on a toutes les voix très timbrées, très articulées, très soutenues, et s'en dégage une plénitude sonore, aussi une puissance expressive. La fugue a beaucoup de contraintes d'écriture, mais ces contraintes permettent d'accéder à quelque chose d'assez métaphysique, en tout cas pour moi. Voilà, toutes ces musiques de Bach me donnent l'impression d'être un atome dans une grande chaîne vraiment de me connecter à mon environnement, et d'une façon particulière, intense. Et bah, c'est magnifique, voilà, je vais pas... Les mots sont un peu impuissants là, donc je vais pas... Bien que je sois un parleur devant l'Éternel, je ne vais pas me risquer plus loin. J'espère que vous partagez avec moi ce plaisir. Et puis nous allons continuer avec un contraste stylistique et pianistique tout à fait marqué, avec du Debussy. Thank you. mystère, ambiguïté, non-dit, voilà, tout le charme de la musique de Claude Debussy par Aldo Ciccolini dans « Cloche à travers les feuilles », premier mouvement du deuxième cahier d'images. D'ailleurs, le mot « mystère » est très bien parce qu'il me servira pour l'enchaînement de la pièce suivante. Alors là, c'était un CD. J'avais acheté une intégrale de Debussy quand j'ai commencé à en travailler. J'avais, je sais pas, 13 ans, j'ai commencé le piano assez tard, donc peut-être vers 13-14 ans, mon premier Debussy. Et un monde qui me paraissait, enfin comme si je regardais à travers un miroir déformant. Je ne comprenais pas tout à fait ces harmonies étranges, cette ambiance particulière, mais dont la signification nous échapperait comme d'un millimètre, comme si on était tout proche de saisir un sens, et puis hop, ça s'échappe. Il y a une fraction de seconde, une magie de l'instant, et puis ce charme a quand même opéré sur moi. Voilà. Donc j'ai beaucoup approfondi cette musique, ce compositeur. Et en fait, ça a été une formidable porte d'entrée pour moi aussi pour d'autres arts, c'est-à-dire de voir ce qui se faisait en peinture au même moment, éventuellement en littérature, le symbolisme. L'hermétisme, le livret de l'opéra appelé à Séménisande. Je suis très sensible au charme de cette musique dite française, mais qui l'est, je pense, tout à fait, par excellence. Et Aldo Ciccolini, là aussi, un toucher quand même assez identifiable, peut-être un tout petit peu moins caractérisé que les attaques si franches et si égales sur les doigts du pouce au cinquième de Glenn Gould. Mais là, un magnifique amortissement, poignet, coude, épaule, ce qui donne tout ce moelleux, tout cette épaisseur dans le son, en fait. C'est ce qui permet aussi de faire des plans sonores très, très palpables, en fait. Et pianistiquement, c'est très inspirant. C'est très inspirant et musicalement beaucoup d'élégance. Donc voilà, une intégrale que je garde sur mon étagère et que je réécoute plus régulièrement d'ailleurs que peut-être d'autres choses qu'on entendra au fur et à mesure. Et puis je parlais de mystère, alors là on va rajouter un M majuscule à mystère puisqu'on va passer dans un univers très spirituel, enfin la musique de Debussy je pense l'est tout à fait aussi, mais moins ésotérique en tout cas. On va passer du côté d'Olivier Messiaen avec un regard interprété par Roger Muraro, regard de l'esprit de joie. Le pianiste Julien Blanc présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. musique calorifère, je ne sais pas comment on pourrait qualifier, mais en tout cas qui donne vraiment une énergie exceptionnelle, un peu comme la musique de Beethoven, à mon sens, en tout cas dans ce mouvement-là. Quelle concentration, quelle densité de joie, de jubilation, d'exacerbation, d'exacerbation de la joie en fait religieuse, hein, ici bien sûr, mais si on est dans la joie catholique, la ferveur en fait, voilà. Et puis encore un choc et par le compositeur et par le pianiste, parce que là aussi on remonte une douzaine d'années en arrière, je pense. Et mon professeur de piano m'avait donné un regard de Messiaen, pas celui-ci parce qu'il est diaboliquement difficile, hein, beaucoup plus accessible pour un jeune pianiste. Et le charme a opéré cette fois-ci immédiatement, alors que certains compositeurs, il faut y revenir, vraiment un monde de couleurs, d'irisation, et puis de mystère, hein, ce mot, même si je l'ai déjà employé, est très, très évocateur à mon sens. Et donc j'ai eu envie de découvrir le cycle complet, le cycle des regards, la musique de Messiaen, et puis Muraro en est un des interprètes les plus flamboyants, sans aucune contestation possible, puisqu'il ajoute une dimension que je ne qualifierais pas de romantique, mais en tout cas un pianisme très enrobé aussi, très dans l'amortissement des attaques, sans atténuer la puissance. Et je crois que la musique contemporaine, la musique du XXe siècle, la musique du XXIe siècle, a vraiment besoin de pianistes qui ne renient pas la technique du piano romantique, c'est-à-dire d'être capable de jouer rond, puissant mais souple, jamais dur, avec une palette d'attaques variée, en fait, hein, comme pour un peintre, vraiment avoir tout l'attirail nécessaire pour la transmettre au mieux et surtout la jouer habité, mais vraiment le plus intensément possible. Et ça, Muraro, en plus, c'est une bête de scène pour l'avoir vu de nombreuses fois en concert, que ça soit dans la musique de Messiaen, je pense à la Turangalila Symphonie, par exemple, où vraiment c'est exceptionnel. Là aussi, l'énergie qu'il renvoie au travers du son, au travers l'œuvre, c'est là aussi extrêmement inspirant. Puis c'était un bel enchaînement après Debussy, puisque bon, avant les regards, il y a les préludes qui sont les préludes de Messiaen, qui sont vraiment la continuité même. Et la musique française me parle et me touche tout particulièrement. Alors je me demande toujours s'il y a une adéquation entre le fait d'avoir la nationalité en question et de jouer cette musique-là. Est-ce que dans le langage, il y a des choses qui passent, dans la diction, la prosodie? Est-ce qu'il y a un bagage culturel commun qui fait que les choses sont plus évidentes, plus rapidement? Mais en tout cas, je trouve que souvent, si on écoute Coxis jouer Bartok, si on écoute Muraro jouer Messiaen, on se dit qu'il y a peut-être, peut-être une adéquation qui se fait particulièrement bien. Et c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant aussi de faire des croisements, des rencontres inattendues. Ça donne des lectures différentes. Enfin, voilà. Vaste champ d'expérimentation. Et puis nous allons passer à... On va quitter un tout petit peu le piano. On va aller vers un compositeur qui n'a pas écrit pour le piano. Et puis ce sera là aussi un nouveau... moment essentiel dans mon parcours, parce que c'est la découverte de l'univers de la voix et puis de l'orchestre d'une certaine façon, avec un peu de Berlioz. Voilà, le spectre de la rose, Victor Berlioz et Régine Crespin à la voix solo. Enfin, je dirais avec humour, autre chose que du piano, mais il est vrai que dans mon parcours, le piano a peut-être devancé la musique, je dirais, hein, avec un M majuscule là aussi, puisque bien sûr au piano, c'est pas interdit de faire de la musique, c'est même conseillé. Mais j'ai eu un rapport très, très physique avec l'instrument et je ne ressentais pas dans les, je sais pas, les vraiment premières années de piano le besoin d'autre chose en fait. Le timbre, la richesse harmonique, les œuvres que je découvrais pour piano me comblait tout à fait, mais il y a un moment, ça ne suffit plus pour avancer. En fait, le piano est un formidable instrument pour aussi évoquer les timbres de l'orchestre, évoquer... Et puis, pour aller trouver du legato au piano, c'est-à-dire le fait de vraiment suivre une ligne mélodique avec une attention parfaite, je dirais, comme le ferait ben, une clarinette, voilà, l'exemple est approprié, mais un violon ou une voix, ça demande de vraiment de s'enrichir d'autres techniques instrumentales, en fait, et puis d'autres sonorités, tout simplement. Et là encore, mon professeur, d'ailleurs je peux citer son nom, Laure Rivière, m'avait parlé de Berlioz, des Nuits d'été, en me disant que ça m'aiderait certainement, je ne sais plus ce que je travaillais à ce moment-là. Et en effet, ça aide beaucoup. Non, c'est vraiment un bijou... un bijou d'écriture, un bijou de sensibilité, et puis Régine Crespin, alors découverte de la voix aussi, c'est-à-dire de la diction d'un texte, en tout cas de chanter un texte, et pour l'instrumentiste, ça change beaucoup de choses. Moi, ça avait vraiment été aussi un moment très fort, en fait, de commencer à découvrir ce répertoire vocal. Finalement, la musique, historiquement, 9e, 10e siècle, enfin, c'était tous les chants grégoriens, le texte était vraiment porteur de la signification. Et puis la musique instrumentale s'est développée plus tard, en essayant d'ailleurs de trouver des moyens rhétoriques pour garder l'intensité, garder la signification que pouvait avoir le fait de simplement comprendre un texte en latin, en langue vulgaire, c'est-à-dire le français à l'époque, et puis après, voilà, dans toutes les langues possibles. Et voilà, et quelle incarnation, quelle présence de Régine Crespin, j'ai envie de dire aussi, quelle élégance, quelle diction merveilleuse, c'est-à-dire qu'on comprend absolument tout, c'est vraiment exceptionnel, et puis les couleurs qu'elle va chercher, la fin de la pièce, c'est un moment où on retient son souffle. Enfin, c'est voilà, une petite merveille. Là encore, je manque un peu de mots. Si je pourrais dire aussi un mot sur la qualité d'orchestrateur de Berlioz, même si c'est une évidence. Mais d'ailleurs, justement, Muraro a joué beaucoup la transcription de la Symphonie Fantastique, grande autobiographie musicale de Berlioz. Et... c'est ouais, une source d'exploration, un laboratoire formidable, formidable pour le pianiste et pour le musicien, le mélomane en fait, pour tout le monde. Voilà, on va enchaîner avec un instrument hautement vocal, mais trois tessitures en dessous de la voix de Régine Crespin, avec un peu de kodai. Zoltán Kodály et János Starker, un peu de musique hongroise, et puis un instrument qui, là aussi, m'a fasciné. Peut-être si je ne faisais pas du piano, j'aurais aimé faire du violoncelle. Je crois que je ne commencerai jamais un deuxième instrument, parce que la charge émotionnelle, en tout cas affective, est intense à mettre quand on veut se lancer dans quelque chose. Beaucoup d'instrumentistes autour de moi font du chant aussi, justement. Malheureusement, ma voix ne me permet pas de me lancer dans cette expérience-là. Mais oui, le violoncelle... Je crois que beaucoup de pianistes sont fascinés par le timbre, la chaleur d'un registre, en fait, qui est le registre médium grave du piano. Et au violoncelle, il prend un sens aussi, vraiment une voix profonde, compréhensive, qui nous parlerait. C'est très touchant. Alors, dans cette œuvre, bien sûr, c'est assez exacerbé aussi. La sonate de Kodály, c'est plus tardif dans mes découvertes musicales, mais c'est là encore un moment étonnant. Je ne sais pas si j'étais plus frappé par Starker ou par la sonate, mais quand même par les deux. En fait, je crois que j'ai lu quelque part que le violoniste Janos Starker, que je ne connaissais pas, avait la réputation de glacer l'air autour de lui quand il jouait. Alors, j'ai trouvé cette image assez poétique, c'est-à-dire que tellement intense, tellement présent, et puis tellement... comment je pourrais dire ? Je pense au mot ascétique, mais en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, un tel focus, en fait, une telle concentration de la densité musicale, que ça pouvait vraiment, ça vous saisissait, et puis vous étiez comme gelé, comme figé autour de lui, ne pouvant plus qu'écouter. Et puis je m'étais dit, cette image vraiment est très forte, et il faut que je découvre ce violoncelliste. Et c'est vrai, en fait, c'est pas exagéré. Enfin, en tout cas, c'est une belle métaphore de ce qui se passe quand il joue, et encore, je n'ai jamais eu la chance de l'entendre en vrai. Je crois qu'il nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, il a fait une grande carrière aux États-Unis. Et quelle présence dans le début de cette sonate, mais quelle présence dans tout. Et ça avait été un champ de recherche pour moi, c'est-à-dire de s'installer au piano, de commencer à jouer, et que ça soit immédiatement incarné, et même au-delà d'incarner, laissant présager un développement, une cathédrale musicale, une architecture, un souffle. Voilà, en fait, le terme que je cherche, c'est souffle. Et ça, il l'a complètement. Et puis, l'inventivité de la musique de Kodály, là aussi, je peux dire un mot. Le violoncelle n'est pas accordé comme le violoncelle traditionnel do, sol, ré, la. La sonate est en si mineur, donc ce qui est une tonalité qui n'est pas, je dirais... organique pour le violoncelle, et donc Starker désaccorde le violoncelle, la corde grave est sur si, et ça fait un effet prodigieux. Et c'est aussi à la base d'un grand champ de recherche pour tous les compositeurs au XXe siècle, et moi qui joue la sequenza de Berlioz, et notamment au festival au Printemps des Arts de Monte Carlo, mais qui joue aussi beaucoup de musique contemporaine et beaucoup de créations, beaucoup de musique de jeunes compositeurs, la façon dont il... cherche à traiter les instruments différemment, à les traiter au-delà de la tradition, en fait, c'est extrêmement intéressant. Et dans la sonate de Kodály, vous avez des moments avec des choses chantées, arco, puis des pides en même temps à la main gauche. Enfin, c'est vraiment un spectacle de voir János Starker jouer. Enfin, un spectacle dans le sens d'une performance... vraiment exceptionnel, et puis je pense que ça a une grande influence sur le reste de la musique au XXe et XXIe siècle. Et nous allons continuer avec la musique de Gheorghe Ligeti, petite fenêtre de musique hongroise. On retourne au piano, hein, je ne me refais pas, le naturel revient très très vite, et avec deux études du deuxième cahier d'études, sommet pianistique et musical de l'œuvre de Gheorghe Ligeti, mais à mon avis, même au-delà de Gheorghe Ligeti, sommet musical du XXe siècle. Vous êtes dans la discothèque du pianiste Julien Blanc sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Vertige et l'escalier du diable de Gheorghi Ligeti, interprété par Pierre-Laurent Aymard. À la fin de l'escalier du diable, je crois qu'il y a eu 8 fortés marqués sur la partition. Donc 8 fortés, j'entends 8 fortés collés, hein, c'est-à-dire comme fortissimo, ça serait 2 F hein, écrit. Et donc là, il y en a 8. Une volonté assez claire de faire exploser le cadre traditionnel du traitement du clavier. Puisque Ligeti, ce qui m'a fasciné dans sa musique, c'est que il arrive à renouveler en fait le genre de l'étude, le traitement du clavier, les textures sonores, mais sans passer par des biais comme jouer dans les cordes du piano avec la main, avec les ongles, frapper sur diverses zones, jouer avec des objets, préparer le piano. Ça, ce sont d'autres champs explorés par d'autres compositeurs. Et Ligeti est porteur, digne continuateur, si on m'autorise des néologismes aujourd'hui, poursuivant, je ne sais pas quel est le mot le plus adapté, mais de la tradition, de la grande tradition virtuose et instrumentale hongroise. Et voilà, on a entendu Vertige et l'escalier du diable, ce sont deux sommets par l'intensité, par la puissance évocatrice, mais aussi par la difficulté des œuvres. Et je pense que, comme beaucoup de pianistes, on est assez fasciné par la virtuosité, en fait. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ce n'est pas tabou. Ça ne veut pas dire que ça perd une signification ou quoi, mais le fait d'arriver à jouer des choses qui paraissent irréalisables, en fait, c'est très intéressant, je trouve. En fait, il y a une notion de dépassement, et si on va plus loin, de transfiguration, en fait, du corps et de l'esprit, pour aboutir à un résultat qui n'aurait pas été possible, bon, alors sans un travail énorme, sans un état de concentration, presque de transe pour jouer ses œuvres, et voilà, ça me parle beaucoup. Et puis, ce qui me parle aussi, c'est le jeu de Pierre-Laurent Aymard, qui doit certainement beaucoup à Ligeti, mais Ligeti, je pense, doit beaucoup aussi à Pierre-Laurent Aymard, parce que les études ont été écrites, façonnées grâce à l'aide de ce très grand pianiste français. Et il en est le plus grand interprète à ce jour, je pense, sans conteste et sans faire d'ombre à d'autres très très bons interprètes, puisque d'abord il arrive à faire tout ce qui est écrit, bravo, c'est tout à fait exceptionnel, que ce soit les plans de nuances, là on entend très très bien dans l'escalier du diable, les 5P, donc pianissimo, vraiment chuchoté, des ombres en fait, qui rampent le côté, voilà. Il arrive à garder là aussi, comme je le mentionnais plus tôt dans ma discographie, le beau legato, la belle tradition instrumentale, le beau son de piano, et puis aussi d'avoir une ampleur sonore colossale, je dirais même effrayante pour l'escalier du diable ou même dans Vertige. Et ça, c'est magnifique. Et puis, que dire sur Gheorghi Ligeti, un compositeur qui me touche tout particulièrement, au-delà de sa musique, son histoire. Il a connu les deux dictatures du XXe siècle. Sa famille, certains ont péri en camp de concentration au moment de la Seconde Guerre mondiale. Lui-même a été plus ou moins en camp de travail, puis s'est échappé. Il a réussi à passer cette très très grande embûche, et puis ensuite il a connu une deuxième dictature communiste avec un contrôle sur la création musicale terrible. Et il raconte très très bien qu'il essayait d'écouter, de découvrir la musique de Boulez, en tout cas ce que faisaient les compositeurs de l'Ouest à ce moment-là. Donc tout à fait une ambiance presque de film avec une petite radio, essayer de capter avec des grésillements, des extraits du marteau sans maître ou que sais-je encore. Et finalement, il est passé en Allemagne, il a été aidé par Karlheinz Stockhausen. Et il a connu la carrière formidable qu'on lui connaît. Sa musique est aussi utilisée dans de nombreux films, je pense à Kubrick, que ça soit Eyes Wide Shut ou 2001, Odyssée de l'espace. sa musique pour piano, sa musique pour grand ensemble orchestral. Je pense à Atmosphère notamment, voilà, une pièce pour un nombre incalculable de violons, de cordes qui se passent, un canon très très serré. Voilà, une musique qui renouvelle la texture aussi, la texture sonore. Et cette notion de texture est très riche pour l'instrumentiste, pour le pianiste en fait. Qu'est-ce que le son ? Oui, il pose vraiment ce genre de questions. Qu'est-ce que le son ? Qu'est-ce que la noblesse d'un son ? Comment marier les timbres pour en créer finalement un seul, une sorte de méta-timbre ? Enfin, voilà, c'est une musique sur laquelle je peux être intarissable. Donc je propose que, puisque j'en prends conscience, qu'on continue avec de la musique hongroise aussi. C'est intéressant de garder parfois des petits fils rouges, ou en tout cas de faire des groupements d'œuvres, puisqu'on entend particulièrement bien les continuations, continuités de discours, de langage. Et on va écouter un peu de Franz Liszt. Alors j'ai choisi Méphistovalse, puisqu'après avoir écouté L'escalier du diable, je trouve que c'est très intéressant d'avoir un petit clin d'œil à l'univers méphistophélique de la musique. Thank you. le brio de Claudio Arrau, formidable pianiste chilien, dans Mephisto Valse de Franz Liszt, et, œuvre emblématique du 19e siècle, du répertoire pour piano, je dirais même au-delà de ça, de l'aspect virtuose qui se développe énormément au 19e siècle, voilà, essayer de dépasser les possibilités de la main, du bras, même dans l'écriture, dans le traitement du piano. Et puis, vraiment dans la lignée, enfin, Liszt avait été fasciné par le grand violoniste Paganini, bien sûr. Et voilà, j'avais été amusé par cette phrase quand j'étais jeune, disant que Paganini, pour jouer aussi bien et aussi virtuose, avait dû vendre son âme au diable. Et pour un jeune musicien, c'est évocateur. Et puis c'est aussi une entrée aussi dans le monde de la littérature du 19e siècle, avec voilà, l'univers de Faust, en fait, tout simplement, Goethe, une littérature allemande romantique qui a encore là aussi bouleversé les codes, bouleversé la portée, l'intensité des œuvres, et dont les musiciens ont été, je crois, à ce siècle particulièrement nourris, particulièrement inspirés. Et puis Claudio Arrau, encore un pianiste qui garde toujours une élégance sonore et d'interprétation, c'est-à-dire de qualité, du rubato, de l'agogie, du temps qui est pris à un endroit, mais qui est pris sincèrement, je dirais, et qui n'est jamais soit dans le fait de montrer ostensiblement quelque chose, soit dans l'artifice, dans la fabrication d'un effet. Et bah, ça, c'est essentiel au fait pour défendre une œuvre correctement, surtout une œuvre romantique, enfin en fait toute œuvre, mais la musique romantique supporte mal des faux rubato, des faux ressentis, et puis on peut en entendre beaucoup maintenant. Et voilà, je trouve que ces interprètes, cette classe d'interprètes exceptionnels nous ramène vers l'essentiel. Et c'est très bien, c'est très sain. Alors après Franz Liszt, on va se servir du brio de cette musique pour revenir au genre concertant avec un grand classique de la musique concertante, aussi pour piano, le concerto de Grieg, mais j'ai choisi d'écouter le deuxième mouvement par Dinu Lipati. Le pianiste Julien Blanc présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Quelle merveille de se plonger, de s'étaler, mais dans un sens assez noble, dans la lumière, dans le charme sonore du compositeur, et puis bien sûr du pianiste, du grand Dinu Lipati. Carrière fulgurante, assez courte, disparition malheureusement prématurée, mais le peu de choses qu'on garde discographiques ou même le dernier récital de Besançon, ce sont des merveilles, voilà, c'est une évidence pour moi quand j'ai découvert ce pianiste. Alors j'ai joué le concerto de Grieg, qui est un grand tube de la littérature et qui est le premier concerto, difficile, mais en même temps abordable, parce que très bien écrit pour un jeune pianiste qui se lance à pleine vitesse dans le grand répertoire avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie. Et mon professeur m'avait conseillé cette version. D'ailleurs, on voit l'importance des professeurs dans la vie des jeunes musiciens. Ce sont quand même des... Au-delà de l'heure par semaine ou des 2 heures par semaine, des modèles, le terme n'est pas du tout, peut-être pas approprié, mais en tout cas des grandes sources d'inspiration. Donc en tout cas, je m'avais aiguillé avec précision sur cette version. Et j'avais été fasciné par le jeu de Dinu Lipati. Et je me souviens de certains passages que j'essayais de jouer comme lui, en fait, dans le concerto. Alors c'était amusant, parce qu'une fois au cours, on me dit mais là, je comprends pas très bien ce que tu veux faire, de toute façon, même pianistiquement, ça fonctionne pas, enfin, c'est quoi ton idée? Et donc moi, un peu naïf, mais enfin, plein d'assurance, je réponds, mais voilà, c'est dans la version de Dinu Lipati, je joue ce passage de cette façon-là, et je trouve que c'est magnifique, et je veux faire pareil. Et donc, bon, mon professeur avait souri en me disant, bon, c'est bien de s'inspirer de grandes versions, c'est encore mieux si l'image sonore qu'on veut donner d'une œuvre vient de soi. Et elle m'avait dit, de toute façon, là, ce que tu veux faire, si tu veux le jouer comme Lipati, dans ce passage-là précisément, c'était un passage de la cadence du premier mouvement, donc quand même assez virtuose, elle m'avait dit, de toute façon, pour l'instant, c'est pas possible, tu n'as pas les moyens. Pas encore les moyens techniques ou même, je dirais, presque intellectuels, parce qu'en fait, la technique, c'est avant tout la pensée, pour le faire. Et puis, bon, j'étais pas vraiment vexé, parce que j'étais conscience du grand gouffre qui me séparait des grands maîtres du piano, mais elle avait quand même regardé mes mains, et puis elle m'avait dit, en même temps, un jour peut-être, tu auras peut-être les mains pour le faire. J'avais été très flatté, ça m'avait donné beaucoup d'énergie pour le travail, je me souviens, dans cette période-là. Voilà, comme quoi des fois ça tient à pas grand-chose. La pédagogie est quand même aussi là pour donner l'impression, vraie ou pas vraie, qu'on est tout proche du sommet de ce qu'on fait, qu'on est tout proche du sommet de la pratique instrumentale. Et même si c'est tout petit, en fait, même au-delà du concerto de Grieg. Hein. Et c'est d'ailleurs l'idée que reprend Courtac dans autre compositeur hongrois d'ailleurs, grand monsieur de la musique du XXe siècle et du XXIe siècle. Je pense qu'il est toujours vivant. Et alors lui, il a une anecdote formidable, il disait qu'il avait voulu commencer le piano parce qu'il voulait jouer le concerto de Tchaïkovski. Alors ça fait un petit clin d'œil au début de cette discographie. Et bah évidemment, enfin moi en fait c'était un peu la même chose, mais évidemment c'est complètement impossible de jouer le concerto de Tchaïkovski d'abord quand on est un enfant, parce que bon bah on n'a pas les mains, et puis de toute façon là c'est diablement difficile, c'est voilà. Et donc il avait eu l'idée qui est magnifique d'écrire une pièce pour pianiste, enfin une pièce de piano, mais qui s'adresse aussi aux débutants, c'est dans les Yatekok, hein, les jeux de Courtag, et donc il faisait jouer le début avec des clusters, donc les grands accords de ré bémol majeur, plein de, voilà, de la sérénité, et puis de la chaleur, de la couleur puissante, réconfortante, voilà, de ce beau ré bémol, et là ça se transforme en des clusters triple forté, mais en fait c'est fabuleux, c'est le geste qui est là, c'est la... Quelque part, l'expression du geste de ce concerto peut déjà être présentée. Et je ne sais pas s'il y a ce genre de littérature pour tous les instruments. En tout cas, je pense que oui. Mais c'est fabuleux. Et donc, voilà, peut-être un jour pour mes élèves, j'écrirai un début de concerto de Grieg à transformer. Il y a des choses amusantes à faire aussi, je pense. Mais voilà, petit aparté pédagogique, mais qui tient une place importante dans ma vie et qui, je pense, tient une place importante dans la vie de beaucoup de grands musiciens, parce que se poser la question de comment transmettre un répertoire, un goût, une motivation, et puis des gestes, un savoir-faire, un artisanat, à des enfants ou à des jeunes qui n'auraient pas du tout accès ou aucun bagage justement sur ces questions-là, et comment les amener à la connaissance, à l'appropriation et au fait d'aimer ces grands chefs-d'œuvre de l'esprit qui nous suivent depuis longtemps, et voilà, et c'est très intéressant. Alors on va quitter le monde du concerto, mais on va garder un peu de couleur orchestrale avec cette fois-ci du Beethoven et la troisième symphonie dite héroïque. Thank you. Parler de musique calorifère tout à l'heure, je crois, je sais même pas là aussi si ce terme est vraiment bien précis, peut-être emprunté à la physique, je ne sais pas très bien. Mais enfin, qu'est-ce que ça convient bien, je trouve, à l'univers symphonique, mais à l'univers de Beethoven en général, dans ses grands mouvements, soit introductifs, soit conclusifs. Parce que voilà, c'est de l'énergie qui nous transmet. Par les oreilles, mais ça vibre en nous par bien d'autres voix, et on retrouve une envie, un plaisir, un goût en fait de la vie qui est qui est fabuleux. Une fois, un professeur de piano m'avait dit, alors c'était plus tard, c'était quand je me projetais à une carrière et donc je voulais rentrer au Conservatoire de Paris. Et j'étais peut-être fatigué par la préparation du concours ou je sais pas très bien. Ou des fois, d'ailleurs, quand on est adolescent, on est fatigué en fait sans savoir pourquoi. Ça arrive. Et donc elle m'avait dit, mais écoute, une symphonie de Beethoven, un mouvement de quatuor, une sonate, pour moi, ça repart immédiatement. Et j'avais trouvé ça un tout petit peu soit placebo, soit exagéré, en me disant, oui, bien sûr, je comprends bien ce qu'avait voulu dire ce professeur, c'était Isabelle Dubuis, mais je le considérais pas comme complètement vrai, en fait. Et bah si, c'est complètement vrai, je conseille à tout le monde, au premier coup de blues, de se jeter à corps perdu dans cette musique. Au-delà de l'inventivité, voilà, là encore un compositeur qui a fait avancer la musique. Voilà, c'est un peu une palissade, mais enfin bon, on peut pas ne pas le dire non plus. Et avec une inventivité, avec un dépassement des contraintes instrumentales, hein, je me souviens toujours des musiciens du quatuor disant mais c'est pas jouable votre musique, Monsieur Beethoven, voilà, et lui furieux, voulant dépasser complètement ses contraintes instrumentales, et n'en ayant en fait que faire de vos misérables cordes, je crois que c'est le terme employé. Et donc, au-delà de ça, il y a une sorte d'affirmation, de jubilation, là encore, d'un univers, d'un paradigme. En fait, je ne sais pas très bien comment dire, ça se suffit à lui-même pour exister pleinement comme monde, avec ses lois, ses règles, et comme point de repère. En fait, c'est très, très étonnant comme sensation, finalement, un peu comme du Bach, ou un peu comme vraiment les plus grands compositeurs, sorte d'évidence et de suffisance au discours, de suffisance dans le sens, il y a assez de matière pour voilà, pour s'immerger complètement dans une espèce d'espace fini et infini à la fois. C'est voilà, encore une sensation étonnante, mais bon, la musique est l'art qui pour moi voilà, a une légère supériorité, je ne le dis jamais, mais là, m'adressant à des mélomanes ou voilà, des amateurs de musique, je sais qu'ils ne me contrediront pas, puisqu'on a un rapport, je pense, plus immédiat à la métaphysique, plus immédiat au dépassement de la matière, en fait, parce que le son est impalpable et ce qu'il nous dit est ineffable, en fait. Voilà, c'est une phrase qui me paraît essayer d'exprimer ce paradoxe, ce mystère, là encore, et bon, la musique de Beethoven n'y fait pas exception, loin de là. Vous êtes dans la discothèque du pianiste Julien Blanc sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Alors je propose qu'on continue avec du Ludwig et avec un peu de quatuor, une formation extrêmement importante dans l'histoire de la musique et qui est là aussi intervenue plus tard dans mon parcours. Comme vous l'aurez compris, le piano était vraiment au centre de mon goût pour la musique. En fait, la musique passait par cet instrument-là. Et ben voilà, si les plus grands compositeurs, là aussi, se sont mesurés à ce genre, ce n'est pas sans raison. C'est un genre extrêmement exigeant parce qu'il n'autorise aucune faute d'écriture. En fait, il faut vraiment que le discours soit ficelé d'une façon exceptionnelle, mais qui permet, parce qu'il y a un équilibre parfait entre quatre cordes et puis quatre individualités, hein, c'est un chiffre voilà, c'est un chiffre intéressant, et puis ils ont tous quatre cordes sur leur multiple de deux, un peu le côté peut-être binaire ou je ne sais pas, mais bon, en tout cas, ce qui en ressort est loin d'être binaire. Et j'ai choisi la Grande Fugue, l'opus 133, qui était au départ le final du troisième quatuor en si bémol, si je ne m'abuse, et d'une dimension tellement exacerbée et puis d'une intensité expressive tellement forte que les gens avaient du mal à l'époque de Beethoven à le recevoir comme tel. D'ailleurs, Beethoven était furieux parce que l'œuvre n'avait pas été bissée alors qu'il considérait que c'était vraiment un des sommets, voilà, de son écriture. Puis c'est le Beethoven tout à fait tardif, hein, on est bien après 1820, je pense aux alentours de 1823-24, peut-être 25. et c'est une merveille. Voilà. Tiers de l'opus 133 de Beethoven, Il me faut, je pense, d'abord quelques secondes pour quitter cette intensité dramatique, cette exacerbation de ce qu'on a envie de dire, de cette musique qui pousse les murs, mais vraiment, mais je pense que de l'écrire, ça a été d'une grande difficulté, vraiment, mais au sens noble, c'est-à-dire qu'on sculpte une matière, un granit en fusion qu'on essaie de mettre, de mettre en place par la force de sa volonté. Et c'est d'ailleurs peut-être un des points qui permet de caractériser la musique de Mozart et de Beethoven, ou en tout cas de différencier, de quand même caractériser. Je crois que c'est un mot de Zhuk Xiaomei, pianiste très intéressante, qui disait que Mozart compose, disons que les notes vont là où elles veulent aller, là où elles doivent aller, et c'est dicté par une sorte de compréhension de l'acoustique, en fait, peut-être des années avant que la discipline de l'acoustique existe, mais je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation parfaite entre la façon dont il écrit et ce qui sonnera le mieux, en fait, c'est tout à fait étonnant, c'est avec un naturel indécent. Et Beethoven, les notes vont là où Beethoven veut qu'il aille, donc évidemment... C'est comme si on avançait dans une matière où il y a une sorte de résistance. On est sur une planète où la gravité serait plus importante, notre poids est plus important. On ne peut pas faire des mouvements aussi souples et rapides que si on était entièrement libre. C'est vraiment, il y a quelque chose qui résiste. Et voilà, de le composer, c'est, comme je le disais, c'est la pensée traverse cette matière. C'est vraiment des prouesses. Qui me touche beaucoup, enfin en tout cas d'en parler, ces grands compositeurs nous ont livré ça en fait. Ils se sont d'une certaine façon sacrifiés, enfin aussi accomplis, mais aussi sacrifiés pour nous laisser ça et qu'on puisse aujourd'hui l'écouter dans notre téléphone portable, dans le métro, enfin, ou au coin d'une cheminée, dans un chalet, enfin, où on veut, mais voilà, je pense qu'on ne leur sera jamais assez... assez redevable de ça. Et puis, bon, que dire sur ce mouvement ? Alors, on est revenu à la fugue, au contrepoint. Là encore, le naturel revient très vite. C'est pas du piano, mais on retrouve mon goût immodéré pour le fait de faire cohabiter des voix avec des structures combinatoires complexes, mais qui ne seront jamais au détriment de ce que le compositeur a envie de nous dire. Et... l'opus 133, je pense que c'est une des œuvres, enfin peut-être l'œuvre, où à la première note je peux plus bouger en fait, où que je sois, quoi que je fasse, même si d'un seul coup ça se met justement sur mon téléphone portable en lecture aléatoire, ça tombe là-dessus, je vais rater la station de métro à laquelle je dois descendre, c'est une évidence, c'est-à-dire que je trouve que tout se fige et puis... L'intensité du contrepoint est vraiment remarquable. Et puis, bon, on peut quand même aussi se rappeler que ça, il l'a composé en audition intérieure. Partielle ou complète. On sait qu'à son piano, il avait aussi des tas de systèmes de cornets pour entendre mieux parfois. Même des choses qui se posaient sur les dents. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Là, c'était de la musique que je ne savais pas du tout. Une sorte de tige qui reliait à sa mâchoire. Parce qu'en fait, le fait de faire vibrer la note à travers du piano à la mâchoire faisait résonner, j'imagine, quand même dans le conduit auditif et devait peut-être compenser certaines défaillances d'autres systèmes. Enfin, toujours est-il que c'est un des sommets de la musique du 19e siècle, et comme je l'ai lu une fois dans un commentaire sur YouTube, d'ailleurs je ne pensais pas citer un commentaire sur YouTube dans cette émission, mais enfin voilà, on peut trouver de la richesse partout, c'est intéressant. C'est aussi un des sommets de la musique du XXe siècle, d'une certaine façon. Enfin, c'est étonnant. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est écrit en 1820, mais ça sera toujours contemporain, en fait. Alors que même d'autres grandes œuvres ne restent pas contemporaines. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans une esthétique qui, pour nous, qui maintenant avons du recul, devient datée, et puis, je dirais, identifiable, caractérisée, qu'on associe. Ça dépasse tout, et je pense que dans 150 ans, on l'entendra toujours comme une œuvre peut-être même difficile à entendre, enfin voilà, qui demande une concentration, une attention particulière, mais qui nous parlera toujours comme si ça avait été composé un an auparavant, ou créé devant nous, en fait, encore mieux. Ouais. Bien, alors on va quitter l'univers du quatuor à cordes. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le quatuor, enfin j'en ai dit un tout petit mot, mais là, dans le quatuor Alban-Berg, je peux quand même dire un mot de ce quatuor, c'est exceptionnel ce qu'ils font dans la, justement pour arriver à faire ce que Beethoven demande, la saturation sonore qu'ils vont chercher sur leurs instruments, notamment l'exposé du thème de la fugue à l'alto. J'ai rarement entendu de l'alto aussi plein, tenu. Je pense qu'ils jouent avec chaque crin de l'archet vraiment plat sur la corde et une égalité du son. Voilà, c'est une chose auquel les pianistes sont souvent très... très attirés, enfin en tout cas attentifs. Et voilà, c'est fabuleux. Et ils tiennent ce mouvement de quatuor qui est là aussi diabolique à jouer avec autorité. Voilà, pour reprendre un terme d'Alfred Cortot dans l'interprétation, c'est bon, voilà, très très beau. Alors, on va revenir au piano et on va finalement pas quitter, enfin pas avancer si vite que ça dans le 19e siècle, et pourtant ce sera déjà un monde qui se sera transformé sous nos yeux et sous nos oreilles ébahies. On va passer à la musique pour piano de Frédéric Chopin. La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous invite dans la discothèque du pianiste Julien Blanc. La Polonaise fantaisie de Frédéric Chopin par Heinrich Neuhaus. De nouveau, un petit regard, on peut revenir en arrière avec Richter, mais enfin, ça a été le professeur de Richter de nombreuses années lors de ses études au Conservatoire de Moscou. Et dont Richter parle avec une affection, une tendresse vraiment particulière et un immense respect, alors que peut-être Richter avait des moyens pianistiques encore plus étonnants, si on peut se permettre d'émettre de classifier, ça ne rime pas à grand-chose, mais enfin, voilà. Et d'ailleurs, Richter dit souvent, les concerts de Neuhaus, il avait donné cours toute la journée avant. Et il allait à la salle de concert, il donnait cours jusqu'à 19h, et il allait à la salle de concert pour le concert à 20h. Alors, Richter dit avec, je pense, humour, du coup, la première pièce pouvait être une avalanche de fausses notes, et puis la deuxième pièce, la chose la plus belle que vous ayez jamais entendue... dans un récital de piano ou peut-être en concert. Voilà, il prenait, je pense, à peine le temps de bouger un peu les doigts ou de s'échauffer le corps ou je sais pas, et il partait jouer directement. Mais en tout cas, c'est un pianiste qui avait aussi mis la pédagogie au centre de sa pratique, et bon, ça me touche beaucoup. Alors, Heinrich Neuhaus, avant de parler quand même un petit peu de Chopin, parce qu'après tout, il y a des choses à dire aussi, mais... pour terminer sur Heinrich Neuhaus, il a écrit un livre sur le piano qui s'appelle L'art du piano, que je recommande à tous les jeunes pianistes aussi, ou même amateurs, parce que, d'abord, c'est une expérience fabuleuse, une connaissance du répertoire exceptionnelle, un avènement aussi du grand piano russe. Mais techniquement extrêmement sain, toujours une recherche de la couleur, enfin on l'entend extrêmement bien dans l'enregistrement. D'ailleurs, Neuhaus parle beaucoup de couleurs quand dans l'art du piano, dans cet ouvrage dont je parle, et il disait, quand j'allais dans la salle du conservatoire à Moscou, si Sofronitsky était en train de jouer Scriabine, puis ensuite arrivait Emil Gilels, j'avais l'impression qu'on avait que c'était mis en lumière et que les projecteurs avaient changé de couleur. Et c'est fascinant, c'est très très beau comme image. Et puis par ce choix, j'ai aussi voulu illustrer mon goût pour les pianistes anciens. Enfin, je dirais, c'est pas du tout péjoratif, bien sûr, c'est même plein de respect. Ces pianistes aussi qu'on ne peut plus entendre pour diverses raisons, et c'est fabuleux d'avoir le disque pour ça, c'est-à-dire que ça a été quand même capté et qu'on puisse se plonger dedans, réécouter ce que l'âme, aussi les interprètes ont à nous dire. Alors je pense que beaucoup de musiciens regrettent qu'on n'ait pas eu 150 ans de plus d'enregistrement découvert un peu plus tôt, mais bon, ça laisse aussi un mystère autour, en tout cas pour les pianistes, d'avoir entendu Chopin lui-même. Ça aurait été immense, en fait, extrêmement important, mais aussi, c'est très beau aussi de juste supposer et d'avoir que les partitions pour témoigner de son jeu, mais bon, c'est la même chose pour Liszt, c'est la même chose pour Mozart, Beethoven, enfin bon, pour tous ces grands... compositeur et interprète à la fois. D'ailleurs, c'est une question intéressante. Est-ce que l'un va avec l'autre? Vraisemblablement pas, mais enfin, certains ont réussi à faire les deux d'une façon aboutie, d'une façon exceptionnelle. C'est très intéressant. Et puis, la musique de Chopin, Chopin, c'est le piano. Piano, c'est le Chopin. J'ai un ami qui dit, et j'aime beaucoup cette phrase, quand je travaille du piano, il dit ça aussi à ses élèves, j'orchestre toujours tout. J'imagine toujours que j'ai à ma disposition un grand orchestre symphonique, et je cherche alors ça au bois, ça c'est un timbre de violoncelle, ça c'est des cuivres, donc ça implique une technique, des attaques particulières, et c'est très porteur quand on travaille des œuvres, parce que ça leur donne justement... cette construction des plans sonores, cette recherche. Au piano, on joue rarement tout d'intensité égale, sauf exception. Et il dit, j'orchestre comme ça pour tout, sauf pour Bach et pour Chopin. Et je trouve que c'est assez joli, c'est-à-dire que j'imagine que l'idée cachée là-dedans, c'est que pour Bach, c'est tellement pur, en fait, dans le rapport à l'expression, dans le rapport au langage, que le timbre serait presque déjà de trop. C'est-à-dire que de le lire, c'est de le lire à la table, en audition intérieure, on est déjà nourri énormément, voilà. Alors, bien sûr, on rajoute le timbre, bon, bah, du clavecin, du piano, de l'orgue, et les grandes œuvres symphoniques ou concertantes, ça fait bien sûr partie des sommets du répertoire. Et puis pour Chopin, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que Chopin, c'est le piano, c'est Chopin, c'est-à-dire que je pense qu'il... Voilà, il y a une adéquation qui est rare et qui est très belle et qui nous a donné un répertoire fabuleux et qu'on travaille assidûment aujourd'hui. Et puis révolution aussi de la technique, c'est-à-dire que le côté beethovenien, je dirais xernien en fait de la technique classique, c'est-à-dire d'égaliser les doigts, c'est-à-dire que par exemple le quatrième doigt est plus faible que le deuxième par exemple. Alors quelle horreur, il faut vite apprendre au quatrième doigt à bouger, à se relever, à jouer aussi fort qu'un pouce. Ce qui d'ailleurs pour le prochain extrait musical aura entraîné des complications tristes et heureuses à la fois pour nous, mais voilà. Et Chopin, alors voilà, il y a ces petits miracles. Chopin dit, bah non, le quatrième doigt est plus faible, il est plus faible. C'est comme ça qu'il partage un tendon avec le troisième doigt. C'est la main qui doit s'adapter, c'est l'écriture qui doit s'adapter, et c'est surtout ça ne sert à rien de brutaliser par la force pour obtenir cette égalité ou ce brillant. Il faut comprendre comment transférer le poids d'un doigt à l'autre. Il faut comprendre qu'est-ce que vient faire le poignet là-dedans. Est-ce qu'il doit être verrouillé ou bien est-ce qu'il sert justement d'archet, de respiration, de souffle, le coude, l'épaule. Je ne parle pas du dos. Voilà. Et le livre de Chopin, enfin le livre sur Chopin, à Chopin vu par ses élèves. Elle a aussi une formidable clé pour nous aujourd'hui. Alors passons à la musique de Robert Schumann. On reste cette génération magnifique de 1810 avec Clara Askill et les variations à Bègue. Thank you. Ah, quelle intelligence dans les deux derniers accords, et de la part de Schumann, c'est-à-dire qu'il y a cette, ce petit clin d'œil au fait de ne pas vouloir finir ce cycle de variations, qui a quand même un côté amplificateur, c'est-à-dire que du thème, on densifie, les valeurs s'accélèrent, etc., mais on quitte le discours sur la pointe des pieds, et c'est extrêmement éloquent et extrêmement beau. Et puis, quelle interprétation de Clara Askill, autre pianiste voilà, de cœur pour moi, très proche de Dinu Lipati, c'est pour ça que je trouvais bien aussi qu'ils soient tous les deux dans cette discographie. Et puis encore un grand choc pianistique, un grand choc de découverte, de toucher, de couleur, de charme, de... encore d'évocation de quelque chose d'un siècle qu'on a quitté il y a longtemps, mais... en fait d'un toucher plus proche de piano, plus ancien, c'est-à-dire aucune force, aucune brutalité, tout est dans le legato, la fluidité, et d'ailleurs du coup un forte, simplement un simple forte, prend une grande importance et nous frappe, nous touche, nous émeut. Alors on a vu tout à l'heure que dans Ligeti on allait jusqu'au 8 forte, et c'est très intéressant de côtoyer, d'écouter cette catégorie de pianistes qui n'ont besoin que d'un forte pour nous bouleverser, en fait. Et il y en a encore des pianistes comme ça. Je continue d'illustrer mon intérêt et voilà, ma grande affection pour les pianistes anciens, parce que je trouve qu'aussi dans l'enregistrement, il y a un petit goût suranné, un petit charme qui, moi, me touche beaucoup. J'aime moins les enregistrements ultra net, où certes on va comprendre absolument tout, mais où je trouve que soit les micros sont trop près et on retrouve le côté un peu martelé du piano qu'on cherche à faire plutôt perdre, en tout cas par moment. Soit je ne suis pas touché par l'esthétique choisie par la maison de disque ou par les ingénieurs ou que sais-je encore. Et alors que là, voilà, je me régale, je me complais dans cet univers un peu ancien, mais que je trouve très touchant. Et puis Clara Askill, alors, tout à l'heure, on a entendu Roger Muraro, qui est un pianiste voilà, que j'aime beaucoup. Et quand je l'ai découvert, je me suis dit, un jour, j'ai envie de jouer comme ça, et même un jour, je jouerai comme ça. Alors, c'est pas du tout présomptueux, hein, je ne pense pas du tout jouer comme Muraro, mais quand on est jeune instrumentiste, et qu'on est frappé par quelque chose, on a envie de tendre vers quelque chose. Et puis des fois, il y a une adéquation. On peut se dire, mais ça, vraiment, ça me parle. Je vais m'acharner pour peut-être un jour toucher du doigt cette qualité, cette rondeur, cette puissance, cette interprétation, voilà, que sais-je. Et quand j'ai découvert Clara Askill, j'ai compris que jamais je ne jouerais comme ça. avec presque un petit regret, presque une tristesse, et à la fois c'est très bien que les profils de pianistes soient différents, au-delà, enfin même les profils de musiciens, mais c'est-à-dire que c'est un gabarit tout à fait différent, c'est une main tout à fait différente, et elle réalise à la perfection le fait de se faufiler avec aisance sur un clavier qui est une géométrie difficile à appréhender, en fait. Hein. Le clavier, c'est un plan, en fait, qui n'en est pas un. Il y a du relief très complexe. Voilà, on passe notre vie dessus pour se familiariser avec et en tirer les plus belles choses possibles. Et voilà, et Clara Askill, dans une œuvre d'une grande vivacité, d'une grande difficulté aussi. Hein, ça paraît être une pièce de jeunesse de Schumann inoffensive pour les virtuoses, mais ça ne l'est pas du tout. Et elle réalise à merveille tout ça. Là encore, le legato, le côté perlé dans l'aigu, mais en restant très très souple. Le suivi des mains gauches chantées, c'est absolument magnifique. Et voilà, et en plus, elle était réputée pour arriver dans le studio d'enregistrement, faire deux prises, trois prises et rentrer. C'est-à-dire que c'est plus comme aujourd'hui où le montage est devenu extrêmement simple. Et donc, en studio, on peut, en concerto, remonter un peu le pianiste, baisser un peu l'orchestre, refaire tel passage, l'insérer dans la version qui était la mieux. Je dirais même enregistrer la main gauche et superposer la main droite en re-recording. C'est un peu extrême, mais ça peut se faire. D'ailleurs, c'est pas du tout péjoratif quand je l'énonce comme ça, parce que ça peut permettre de faire des objets sonores, des disques qui vont atteindre une forme de qualité aussi qu'on ne peut peut-être pas saisir autrement. Et donc c'est aussi ce qui fait que le disque ne disparaîtra jamais, même si les modalités de transfert ou de support, etc., bien sûr, changent constamment. Mais voilà, les gens qui travaillaient avec elle étaient toujours surpris. Elle arrivait, elle jouait, c'était remarquable, et elle partait. Et comme on a entendu tout à l'heure Glenn Gould, qui pouvait refaire des dizaines de fois un passage, changer le tempi d'un prélude pour trouver vraiment l'équilibre parfait, je trouve que voilà, c'est très intéressant de faire se côtoyer ces grandes personnalités du monde musical. Nous allons continuer. Voilà. Et nous allons continuer avec Johannes Brahms. Alors là aussi l'enchaînement était tout trouvé. On va encore retrouver mon plaisir des arts combinatoires, mais il y a un anagramme fabuleux pour Robert Schumann. C'est Robert Schumann reconnu Brahms. Je trouve que c'est absolument exceptionnel. Alors la personne qui l'a trouvé, je ne sais pas si c'est Dena Logiciel ou quoi, mais voilà, il y a des choses qu'on n'explique pas. C'est un peu comme la lettre B dans l'importance de l'histoire de la musique. Mystère inexpliqué à ce jour. Voilà, alors on va passer à Johannes Brahms et un peu de musique de chambre avec le deuxième trio pour violon, violoncelle et piano. Le pianiste Julien Blanc présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. voilà, sur cette irrévérencieuse conclusion du scherzo du deuxième trio, on a le plaisir de retrouver le Beaux-Arts Trio, magnifique formation de musique de chambre, que j'ai découverte assez tôt dans mon parcours, et là aussi qui a été très inspirante, m'a donné envie de me plonger dans le répertoire pour trio, violon, violoncelle, piano, qui est une très belle formation, parce qu'il y a l'équilibre aigu-grave d'un instrument monodique, et puis il y a toute le tissu, le tapis que peut proposer le piano comme harmonisation, comme habillage, et aussi comme voix soliste. Et donc c'est une formation très équilibrée, très, très intéressante. Et puis la connivence magnifique, et puis la qualité instrumentale individuelle des musiciens du Beaux-Arts Trio. Voilà, en font un autre sommet de ma discographie, mais je pense de toutes les discographies musicales. En plus, c'est un trio en do majeur, ça peut m'amener à dire un mot sur le fait de parler des tonalités, qui est un concept essentiel dans la musique, alors tonale, hein, le nom vient de là, mais bien au-delà, parce que ça nous aide à éclairer et le répertoire contemporain. Et c'est intéressant de savoir d'où vient cette tonalité, c'est-à-dire que dès les Grecs, en fait, les modes qu'ils avaient choisis pour s'exprimer, c'est-à-dire simplement, en gros, des groupes de notes, hein, c'est très simple, c'est comme des petites gammes, finalement, avaient tous une combinaison d'intervalles un petit peu différente, ce qui faisait que chaque mode avait une forme de caractère. Alors c'est très intéressant, ils appelaient ça l'éthos, et certains modes étaient pour des pièces guerrières, certains modes l'expression d'une forme de tendresse, etc. Et finalement, quand la musique tonale s'installe, on a pris un de ces modes qu'on a transposé finalement sur tous les demi-tons de la gamme chromatique. On a beaucoup uniformisé. Donc finalement, la tonalité de Do majeur, qui est la tonalité de ce trio, devrait être égale à la tonalité de Fa dièse majeur, puisque c'est une transposition parfaite finalement de tous les intervalles qui y constituent ce mode finalement. Mais en fait, il n'en est rien, et ça, c'est étonnant. On ne l'explique pas vraiment, si ce n'est que c'est plus ou moins plus haut ou plus bas. Mais enfin, c'est comme un vecteur qu'on déplace, finalement, il devrait être le même. Mais les tonalités gardent des couleurs particulières, et les compositeurs ont aussi souvent des choses qui leur tournent dans la tête en fonction des tonalités. Alors, on a écouté beaucoup de Beethoven, mais on citera Do mineur, Mi bémol majeur, Si bémol, voilà. Chez Chopin, on a la bémol majeur ou certaines tonalités mineures, Do dièse mineur par exemple, qui sont des tonalités phares, et même d'une œuvre à l'autre, on va retrouver des caractères communs ou des motifs communs. Et en fait, les tonalités ont gardé pour nous une forme de signification particulière. Alors là, c'est Do majeur, c'est une tonalité très lumineuse, mais aussi la plus simple, puisque ce sont les touches blanches du piano. Et c'est une tonalité que je n'aime pas particulièrement, alors ça a un peu prêté à sourire, parce que j'ai quand même choisi ce trio. Mais simplement, quand les très grands compositeurs se mêlent de la tonalité Do majeur, elle prend une richesse insoupçonnée qui va dépasser de loin qu'on pourrait faire autrement, notamment peut-être dans la variété ou dans la musique électronique. Voilà, et les très grandes œuvres en Do majeur du répertoire, malgré mon petit, malgré le fait que je fasse la fine bouche pour cette tonalité, sont quand même chères à mon cœur, là aussi. Alors, puisque je parlais des B, j'ai choisi un petit clin d'œil dans mon programme qui était tout à fait classique, dans le sens tradition savante de la musique. J'ai choisi, un peu en forme de Madeleine, de passer un petit extrait de Jacques Brel avec la valse à mille temps, et puis j'en parlerai un peu après. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps,

voilà, je me suis, j'ai élevé même la voix, ce que je fais rarement, pour défendre à corps perdu la musique de tous les grands compositeurs du XXe siècle et du XXIe siècle qui vivent avec nous. Voilà, parfois j'ai du mal à expliquer la petite fracture qui a pu s'opérer avec un certain public, mais ce qui est sûr, c'est que la façon dont les compositeurs du XXe siècle, alors je pense à Berlioz, je pense à Ligeti, je pense à tous ces grands noms, ont continué de faire avancer au-delà même de la musique, notre rapport à la musique, notre rapport au son, à qu'est-ce qui est légitime ou qu'est-ce qui ne l'est pas pour de la musique, et on se rend compte que si on entre dans cette réflexion, on peut aller très très loin. Et voilà, je suis absolument persuadé que cette musique ne disparaîtra jamais. Et donc, bon, le débat s'est malgré tout apaisé, mais je suis un fervent défenseur de tout ce répertoire. Pour conclure cette séquence, ce moment partagé, je vous propose le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel avec Samson François au piano. Encore un interprète, cette fois-ci français, mais tout à fait exceptionnel. Et j'ai choisi quand même du Ravel parce que certains disent que par rapport à Debussy, la musique de Maurice Ravel est peut-être moins visionnaire, si j'utilise ce terme sans aspect péjoratif. La musique de Ravel garde une forme de fonctionnalité, c'est-à-dire que le rapport à la tonalité est encore marqué. Mais par contre, son inventivité harmonique et mélodique, certainement le plus grand mélodiste français, est intacte, est exacerbée. Et ce concerto pour la main gauche a en plus une référence particulière, parce que c'était pour un pianiste qui avait perdu l'usage de son bras pendant la Première Guerre mondiale, première guerre qui a beaucoup marqué Ravel. Et puis, il y a une grande joie, il y a une grande jubilation dans le fait d'avoir ce concerto en un jet, comme ça, qui ne reprend pas la structure classique de mouvement, et etc. Et donc, on se consume vers la conclusion très brillante de Ré majeur, et je trouve que c'est tout à fait approprié pour se quitter.